C'est un homme de 90 ans qui regarde un film au cinéma. Les sièges sont vibrants. Dans le film, on voit une créature qui le vénère. Cette créature sort de l'écran et se dirige vers l'homme. Cet homme essaie de toucher la créature. Il fait des signes à son ami, mais